Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Simon Rousseau. Salut Frédéric. Salut Simon. Étienne Théberge. Salut Frédéric. Salut Simon. Salut Étienne. Salut les gars. Et Mathieu Bouillon. Phallus. Phallus à toi, Mathieu. Phallus à toi, tous. Mathieu. Phallus à tous. Ah oui, donc c'est une petite présentation à jouer. C'est quoi pas de problème? Eh bien, c'est une balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout, le temps de trouver des solutions à votre problème, tout en essayant de refaire le monde. Non, ça c'était la semaine passée. Oh. Excusez. Mais pas de problème, c'est aussi une nouvelle teinte de couleur disponible chez Sico. Ouais! Ça ressemble à quoi, ça? C'est proche de... Magenta. Magenta, okay. Oui. Magenta. Magenta. Non, en fait, c'est une balado-diffusion aux quatre experts, rien. Mm. Ouais. C'est improvise expert en tout, le temps... Ça va bien, Frédéric. Tout va bien. C'est l'éclairage. L'éclairage est très mauvais ici. Puis les jeans, oui. Le gars gagne sa vie en faisant ça. C'est fini ça. Non, en fait, pas de problème. Vous irez écouter les autres podcasts. Je l'explique très bien. C'est con. Est-ce que c'est la première fois qu'on renvoie un autre podcast pour l'explication? Trouver l'hyperlien. Non. Non, ok, ok. Je pense que oui. Okay. Non, mais c'est quoi? Non, mais d'habitude, on disait pas de problème. C'est quoi, Mathieu? C'est la balado. C'est la balado la plus populaire de ton cercle d'amis. C'est ça. Moi, d'ailleurs, ça serait quoi pour vous? C'est une occasion de sortir de la maison le mercredi soir. Yeah! C'est ça pour moi aussi! Se sauver du fardeau de la famille. J'allais dire, c'est la balado diffusion dans laquelle on te contraint à voter 5 étoiles ou rien. Oui! Oui, voilà! Sur un rien savoir d'un 4 étoiles que moi, personnellement, je trouverais très acceptable. Non! Mais bon, 5. Okay, c'est mais non, mais tant qu'à ça, mais rien. Ben, 3,5, 4. Mais non, rien! Moi, je vote des fois sur des affaires, puis je trouve que c'est intéressant d'avoir des milliers. Ah non, mais ça, pour les autres, lâche-toi là. OK, OK. Pour nous, 5 ou rien. 5 ou rien, parfait. Puis c'est correct, là. Je sais pas à combien on est rendu. La méthode Louis-Martin Gué que je salue en passant. Oui! Il a déjà participé à un des podcasts. Oui, vrai. Oui. C'était très documenté. Oui. C'était très intellectuel. Ah ouais. Beaucoup de références à des jeux vidéo, des albums, des réalisateurs. J'aurais des albums. Adoré ça. On parlait de musique, en fait. Sûrement. Mais cette semaine, le problème nous vient de Alexandre Arton, qui nous a déjà envoyé un problème. Il faudrait que j'aille vérifier. Arton déjà reçu un problème d'Alexandre? Oui. Il vient de trouver ça là, tout de suite, là, sur le coup. Là. Oui, oui, oui. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que c'est pas écrit sur son gros calepin plein de jeux de mots? Le highlight! Ça existe? Ouais. C'est pas un album de U2, Arton Bébé? Oh! Mais, bon, gars, je peux pas me mesurer au plus grand. Arrête. J'ai un problème coriace à vous soumettre. Mm. C'est sa voix. Ah oui? Mais avant, je vous explique. Le 7 avril dernier, lors de la journée des élections, il s'avère que mon candidat a été défait et que j'ai par conséquent perdu mon pari réalisé entre amis. Mmh. Ma conséquence est donc de survivre une semaine complète sans utiliser un logiciel, un site, une application appartenant de près ou de loin à Google. Oh! Donc Gmail, YouTube, Maps, Drive, Chrome, Flickr, etc. Ils viennent de l'acheter. Sachant que je dois aussi continuer à vivre, aller travailler et aller à l'école, et que je ne peux pas rester enfermé chez moi, comment faire pour survivre à cette semaine? Il vaut sans doute mieux attendre vos valeureux conseils avant de commencer. Alexandre Arton. Third world problem. Problème épineux, hein? S'il en est un. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de se passer de tout ça. Ça, on peut se... On parle pas de l'Internet en entier. Non, mais on parle quand même de Google. Là, je veux dire, la moitié de l'Internet là, appartient à Google. Beau retour, là. C'est quoi les bons vieux moteurs de recherche qu'on avait à Quest. Hein? Altavista. La toile du Québec. La toile du Québec. Canoë. Yahoo, toujours. Yahoo. Bing. C'est pas si pire. Bing. Qui est le moteur de Maps de... De Apple. Apple. Ouais, ouais, ouais. Le bon vieux MapQuest. MapQuest, solide. Sinon, ben, c'est se créer un email pour une semaine. Là. Donc, c'est ça. Hotmail. Sauf que tu peux pas faire. Tu peux pas dire. Transférer Gmail vers ailleurs. Transférer ton Gmail. Mais tu peux fonctionner. Moi j'utilise Mail. Point. L'application Mail. Sur iPhone. Là, c'est comme tricher le règlement de... Ben, pas nécessairement. Si j'ai mail, puis j'ai mon adresse qui n'est pas une adresse... Non, c'est ça, mais c'est moi, mon adresse Gmail, même si j'utilise mail, c'est mon adresse c'est Gmail. Ouais, moi, c'est ça, mon adresse, c'est pas Gmail. Moi c'est non ça. Plus. Mais Twitter appartient pas à... Non, tu sais, Facebook aussi. En fait, donc, c'est une semaine sur Facebook. Ouais. C'est vraiment pas si pire. C'est là. Pas si pire. Bon, c'est pas une semaine pas d'Internet, là. Ben, c'est quoi votre solution préférée? Mais après, la moitié de ce qui est sur Facebook et Google, là, tu sais, tous les liens YouTube... T'as juste à cliquer sur rien. Ouais. Faut à cliquer sur rien. Consulter. Tes messages. Pas le droit de cliquer. Clique sur des noms de personnes, mais tu sais, reste pas... dans Facebook. Ouais. Fais attention. Faut pas que tu ailles sur Chrome pour. Non. Non, mais il doit avoir un plugin. Safari Explorer. Il doit avoir un plugin qui enlève. Opera. Oui. Firefox. Mozilla. Oui, c'est pas vilain ça. Oh, il y en a plein. C'est quoi les autres Attends, Drive, moi je connais pas ça. Google c'est quoi, Drive, moi écoute, j'ai plein de choses là-dessus. Là. Okay. D'ailleurs, le document que j'étais pas capable de lire tantôt. Mm-hmm. Okay. Ça, c'est comme des folders d'informations. Fait que toi, tu comprends bien. Là. Toi, t'es quand même très, très, très imbriqué dans Google. C'est, à la limite, c'est pour ne pas être trop Mac. Ouais. Ah, oui. J'essaie de me garder... De te balancer, de ne pas tout mettre tes oeufs dans le même panier. Ouais, ouais. Puis un courriel, Gmail, je trouve que, tu sais, c'est... Slick. Ouais, c'est classe. Ouais, il y a des belles... C'est pas comme un courriel... Hotmail, tu fais... Caramel, ou... Ouais, mais mail, un bon mail, c'est slick aussi, moi, c'est parfait. Mail? Oui, mail. C'est pas Mac. Mais non, mais c'est quoi... Mais ça, t'es Hotmail. Mais non, mais toi, t'es pas sympathico. Vidéotron. Ben, mais c'est ça. Vidéotron, oui, mais mon application Vidéotron, j'utilise pas ça. Moi, j'utilise juste mail. Moi, je sais, mais non, mais c'est ton adresse Vidéotron, par exemple. Oui, c'est Vidéotron, mais je veux dire, la configuration... Sauf que le jour où tu fais Vidéotron... Je suis tanné. Ça m'est arrivé d'ailleurs, et ça m'a pris... J'ai pas eu de courriel pendant 6 mois. Ben, c'est ça. Parce que personne n'avait ma nouvelle adresse. C'est ça. Fait que t'es revenu à Vidéotron. Je repars en neuf. C'est long. Je suis pas revenu encore à ce que j'étais. Mais c'est pour ça que, moi, avant de quitter Vidéotron, j'ai fait un bon... 6 mois avec ma nouvelle adresse en disant maintenant je suis là, C'est dur, ça. Moi j'ai jamais vécu ça. Mais là j'ai l'adresse, tu sais, comme extérieure à mon fournisseur, comme ça. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu chicard. Mais ton adresse, es-tu encore Vidéotron? T'es... Ouais. T'es rentré à la maison? Je suis sympathico. Écoute, il y a le moteur de recherche hein, qui est. Mais ça, c'est facile, le Bing, ouais. Yahoo. Ça fait la même job pour elle. Mais tu sais, quand tu sais que des fois Bing utilise Google, il paraît. Hein? Ah, il avait fait des tests. C'est des manières de tricher, là. Il peut. Ouais. Mais après, il y a des moteurs de recherche, le fun. Là. Il y a un moteur de recherche que j'ai vu passer il y a une couple de semaines dont j'oublie le nom, puis là, ça va être un peu dull comme anecdote parce que j'oublie le nom. Oui. Mais c'est un moteur de recherche qui te permet de filtrer les 100 premiers résultats, 1000 premiers résultats, 10 000 premiers résultats, 100 000 ou 1 million de premiers résultats, puis de juste voir après. Fait que plutôt que d'avoir ce que tout le monde voit quand tu cherches sur Google, toi tu vois ce que personne voit à la toute fin de l'Internet. Okay. Le lien 1 million 1 de quand tu fais une recherche de porn, ben là tu vois les affaires que personne voit. Déjà, ça peut être le fun à faire pendant une semaine. Dans la vie de tous les jours, quand tu cherches IKEA, puis ce que tu trouves, c'est le gars qui a déjà parlé d'IKEA une fois dans un blog, c'est dole. Ouais. Mais pour une semaine, ça peut être intéressant. Mais je sais pas s'il faut en déduire que Alexandre a un Android, un téléphone qui roule sur Android. Oh, c'est possible. Ça veut dire que. Il peut pas utiliser ça. Okay. Il skip le téléphone pendant une semaine. Ouais. J'ai vécu ça. Appelez-moi sur mon pagette. Je suis allé 2 semaines en voyage et j'avais pas pris le forfait, pensant que je serais capable de vivre pas de téléphone, ouais, pas d'Internet. Ouais. Ben, écoute, ça a pas été le fun, mais ça se vit. C'était 2 semaines, tu sais. En même temps, il y a de quoi à faire, là, tu sais. Au pire, tu... Je suis sûr, là, que s'il se filme pendant 1 semaine, avec cette semaine-là, puis il parle en anglais, là, pour que les gens de Google comprennent, ça va devenir une vidéo virale. Si c'est bien monté et bien filmé, que genre, j'ai essayé ça, j'étais pas capable. Ouais. Maintenant, je travaille pour Google. Mais non, mais moi, j'y souhaite de réussir quand même. Ça se fait, là. Pas réussir ce défi-là, il y aura un problème quelque part. Ouais. Sinon, peut-être que c'est relancer un dare à la personne de qui il a perdu le défi. Faire un quitte ou double. Quitte ou double, j'aime ça. Aux prochaines élections, on remet ça quitte ou double. Non, mais c'est celui qui perd, c'est 1 an, pas d'utilisation. Non, mais c'est 2 semaines si tu perds, mais si tu gagnes, tu t'en débarrasses puis t'as pas besoin de le faire, peut-être qu'il y a quelque chose là. Moi, j'accepterais pas le quitte ou double. Si j'étais celui qui avait émis le pari et gagné, là, je ferais non, tu le fais. Mais non, mais en même temps, ça peut peut-être lui permettre de faire non, pas juste 1 semaine. Ou pas juste Google, 6 mois, aussi Facebook. Ouais. Le techno. Là. Mais comment qu'elle s'appelle la co-animatrice de Belle et Bomme? Geneviève Baum. Oui, ouais. Geneviève Baum. elle, c'est l'ambassadrice Google Glass au Québec. Okay. Se tenir avec elle et parce profiter qu'elle peut de ça. Ouais. Ah. Geneviève, peux-tu... Il utilise juste Geneviève. Mm. C'est comme Siri, mais c'est humain. T'as le droit d'utiliser Geneviève. Ouais, dans le fond, t'entourer de gens... C'est pas plate comme solution. Très techie qui peuvent te t'aider. Là. Ou t'entourer de quelqu'un qui connaît tout. Puis d'y poser la question à lui. Mais sur Twitter, c'est genre ça, là. Mais Facebook aussi, tu sais, tu fais... Y'a-tu quelqu'un qui sait, hein? Puis là, il y a quelqu'un qui va te répondre... Utilise Google. Ouais. Mais la plupart, là, tu vas avoir 15 niaiseries. Ouais. Puis il y a peut-être une réponse qui va sortir de ça. C'est crédible. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, ça. Parce que je pense 15... que notre Facebook n'est pas représentatif du Facebook de tout le monde. Je pense que si ma mère... Bon, ma mère n'est pas sur Facebook, mais mettons, mon beau-père qui est sur Facebook, si lui, il pose une question, je pense que les gens y répondent sérieusement. À part moi qui fais une joke con. En disant, tu... Tous les amis qui font « Ne, là, pas de joke, s'il vous plaît. » ça devient prétexte. Hein. Ouais. Flickr, excuse-moi. Flickr, c'est les films. Non, c'est les photos. Ah, c'est les photos. Oui, mais tu sais, tu peux ça, tu peux t'en passer. Ouais. Au pire, accumule tes photos pendant 1 semaine, puis tu les posteras dans 1 semaine. Tellement. Mais il y en avait un, c'était des films, c'était quoi déjà? Pixter? Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Tu rates tous les films que tu as vus. Justement, il y a Flickster. Flickster, c'est ça. Il y en a à qui j'ai pas mis 5 étoiles là-dedans. Mais Flickr, je sais pas si c'est Google. C'est comme. Flickr. Puis Pinterest, ça, c'est quoi? Je pense que c'est indépendant. Ça, c'est indépendant. Puis LinkedIn. Indépendant aussi. OK. YouTube, c'est gros. Ça, c'est YouTube, c'est gros. Oui. Mais 1 semaine, on parle 1 semaine. Ouais. Mais après, c'est ça. Quand est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu es allé voir sur YouTube, que c'était. Il fallait que tu le vois là, c'est un timer. Ça arrive pas, ça. Google Earth, ça doit lui faire mal. C'est faire. Map, c'est sûr que ça peut être pratique. Ouais. Street View, c'est fatigant. Pas pouvoir. Ben, je sais pas pour lui, mais moi. C'est un pays d'avance. D'avance, oui. J'utilise Google Agenda. Donc. Ah oui, ça peut être un problème. Ouais. Ouais. Pour YouTube, j'allais dire Dailymotion. Peut-être chercher genre l'équivalent sur Dailymotion. Ah ouais, ouais. Vimeo. Vimeo. Ouais, ouais. Mais Vimeo, je pense que c'est un peu YouTube. Ouais. Mais j'avoue que l'agenda, c'est complexe. Non, pas Vimeo. L'autre, ouais. Moi, j'ai fait la transition de mon agenda complètement électronique. Mm-hmm. Et j'avoue pas pouvoir l'utiliser pendant 1 semaine. Ça, je trouverais ça... Ben, tu prends une feuille. Oui, avant, tu prends une feuille puis tu fais ton agenda. Oh, ouais. Tu leur transcris le bon vieux agenda papier. Hey, on fait toute cette job-là pour toi, Alexandre. Yes. Fait que Reste avec nous, là. C'est les courriels qui est tough. Il n'y a pas de solution préférée, là. On te prépare. Les courriels, moi, j'en écris quasiment plus des courriels. On dirait qu'à ça, c'est tous des messages. Mais pour la job, mettons, là. Ah, ouais, ok, ouais. Si ça pour la job, ouais. Courriel, ouais, j'avoue. Ouais. Mais faut que tu mettes tes collègues dans le loop. Dans le loop. Ouais. Faut que tu leur dises cette semaine, c'est le texto ou Messenger. Mais ça marche-tu, s'engager une secrétaire pour la semaine? Peut-être. Ah oui. Est-ce que c'est possible d'envoyer un bounce, genre, si tu m'envoies mes mails, tout le monde les envoie, ils rebondent directement sur une autre adresse? Oui, je pense que tu peux faire ça, un genre je de... Je pense pas que tu peux faire ça. Non, ouais, mais Gmail. C'est l'utiliser. Oui, oui, tu peux le faire. C'est utiliser ton Gmail pareil. Ouais. Ben non, parce que c'est elle qui le reçoit, là. C'est pas comme si moi, je le bounce sur mon autre, là. Non, mais il y a... Non, mais lui, il dit que tu le bounce à la secrétaire. Ouais. Qui, elle, le reçoit sur... Je sais pas, non, c'est pas sur Gmail. C'est sûr que c'est une manière de crosser. L'important, c'est que lui, il n'aille pas contact avec ça. Là. Ouais, c'est ça. On lui a pas dit, regarde pas du beurre de peanut. On lui a dit, consomme-en pas. Là. Mais tu peux être dans un lieu où physiquement il y en a. T'sais. Mais sinon, il y a du moyen de programmer quelque chose que chaque fois que quelqu'un y envoie un courriel, ça s'imprime. Puis lui, il ramasse des feuilles. Ah, là. C'est ça. Oui, avec encore la petite bande qui se détache sur le côté de la feuille. C'est écrit en dessous, tu sais, pour sauver les arbres. Pour sauver des arbres. Mmh. Ben ouais, mais pendant un an, mais pendant une semaine, tu sauves pas d'arbres. L'ironie, c'est ça, la finesse de courriel. Là. L'ironie, il paraît que quelqu'un qui avait imprimé un courriel, puis que pour imprimer le bout où ça disait... ça prenait une feuille de plus. Ça prenait une feuille de plus. Ah, c'est ça. Mais c'est sûr aussi que si tout le monde fait ça, rajouter le petit bout « sauver des arbres » en bout de son courriel, c'est sûr que ça prend plus d'énergie quelque part. Là. Si tout le monde fait ça, là, ça sauve pas des arbres, c'est sûr. Mm. C'est un investissement. Là. C'est le cas classique de dire « j'investis dans... » C'est quoi ça? Ouais. Mais qui s'est déjà dit « ah, je lis un courriel, je vais l'imprimer. Ah non, je vais pas l'imprimer. » Mais comment il va faire pour se passer de panoramio? Qu'est-ce que c'est? C'est des photos de partout dans le monde. Mais panoramique? Oh. Je pense que oui, je sais pas. Panoramique? Panoramique. Oh, l'oiseau, il pogne un poisson! OK, bon... Mais genre, je clique sur une place du monde puis ça m'envoie une photo de cette place-là. Ouais, je pense que oui. Ça, je pense que c'est une bonne chose de s'en passer. Clique sur Venise en Québec, qu'est-ce qu'on a? Wow! je vais essayer de me rendre. Beaucoup d'eau, le lac. Une poutine. Une fausse plage. Mm. Je suis comme pas quand même. Ouais, c'est ça. Alors, faut se connecter. Bon. Bon. Il m'expliquera ça si jamais on se croise, Alexandre. Comment Panoramio fonctionne. Mm. Ben, je sais pas si tu as besoin de suggestions d'activités aussi, tu sais. Parce ben que oui, comment t'en sevrage de technologie, si tu sais, le cinéma, la lecture, l'activité physique. Tout ce qui peut le tenir peut-être un peu plus loin possible de son ordinateur, son téléphone, sa tablette. Donc, des choses dans l'eau. Donc, des choses dans j'irais sa dos. Piscine. Ah oui, il a choisi water polo. Semaine aquatique. Mais oui, mais là, il parle, il faut qu'il aille travailler, tout ça, mais il y a quand même une semaine de vacances. Une semaine au chalet. Ouais. Au chalet, pas de réseau. Ouais, ouais, ouais. Déconnecte, là, tu sais. Ouais. Mais, J'avais de quoi? J'avais un filon, je mets jour. Après, est-ce que mettons, tu sais, Google font beaucoup de publicité par les Google AdWords, les AdWords? Ouais. Est-ce que de cliquer sur ça, c'est considéré comme utiliser Google? Parce que si c'est ça, t'es peut-être aussi bien d'éviter Internet au complet. Là, Oui, j'avoue. Parce que là, t'es fourré vite. C'est peut-être Google qui redirige. Mais je pense que ça se ferait, moi, le défi même d'éviter Internet au complet. Comme ça serait pas super, mais ça serait possible. Mais soit éviter Internet au complet. Oui. Ce qui, y a un gars qui l'a fait pendant un an. Oui. Puis il paraît qu'au début, c'était. Mais tu sais, au début, il y a eu un petit vide, puis après ça, c'était super. Puis à un moment donné, il a comme retrouvé sa routine de quand il y avait Internet sans l'Internet. Fait qu'il avait. Ça change, tu sais, ça n'a rien changé vraiment. OK. Mais soit totalement scraper Internet pour une semaine ou se dire, moi, garde ton défi une semaine, fuck you, je le fais un mois. Puis après une semaine et demie, quand t'es plus capable, tu fais... j'ai fait une semaine. L'idée c'est de partir courir 15 km pour en courir 3. C'est ça. Une solution passée. Mettre la barre trop haute. Mettre la barre trop haute. Pour faire du limbo. Oh ouais, mettre la barre trop haute d'un sens ou de l'autre, là. Toute l'Internet ou La lecture en général. La communication. Je sais qu'il y a une alliance maintenant entre Facebook et Google pour réussir à créer des profils d'utilisateurs. La belle alliance. Ouais, toi, Fred, t'es sur Facebook sur ton téléphone, mais t'as un Gmail aussi. Ouais. Fait qu'ils savent que quand t'es sur ton téléphone sur Facebook, t'es le même gars qui utilise ton Gmail sur ton ordi. Ouais. Fait que maintenant, ils peuvent te pousser des pubs et dans Facebook et dans ton Gmail en faisant des liens entre les deux. Mais c'est quoi, ils veulent tuer les Air Miles? Ouais. c'est que ça. Mais moi, je pense que Google me connaît plus que mes parents. Là. C'est possible. Peut-être même plus que ma blonde. Ça me surprendrait pas, là. Tu couches avec Google? Ben... Est-ce que Google connaît ta voix? Il y a une soirée où j'étais vraiment fait. Je suis pas sûr. Je me suis réveillé dans des bureaux ben trop design. Avec du monde qui travaille sur des laptops en faisant du jogging. C'est des moteurs de recherche plates. Je vais vous nommer des choses sur le web. Il y a les recherches Google, Google Chrome, moi que j'utilise beaucoup quand même. Oui, moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce que il y avait un truc avec Java que tu ne pouvais plus updater. Pour vrai? Oui, qu'il y avait comme un bug de Java qui disait « Ouais, ça te prend un furteur 32, je sais pas quoi, puis que c'est, Chrome était juste pogné à 16. » Attends, pas le furteur 32? Je sais pas trop. Fait que je suis retourné sur Safari, comme un bon petit mouton. J'avais pas vu ça. Ben non. J'avais pas vu ça de même. Mais peut-être que ça arrive à personne. Peut-être que c'est juste moi qui avais. Moi, j'utilise les deux. Là. J'étais encore un 60-40 moi aussi. Safari Chrome. Là. Ouais. T'as ton furteur porn puis ton furteur normal. C'est ça. C'est, j'ai un que je brûle. Celui-là, il est brûlé. Je l'utilise juste pour mes recherches sur Satan, le sexe, tous les sujets que je veux pas qu'ils se retrouvent. Le terrorisme, oui, comment... Edward Snowden. Oui. Comment construire une bombe avec des produits ménagers. Human Centipede. Human Centipede 3 qui est en production. Là. Ah, yes! D'ailleurs, j'ai... fait des recherches sur... Un Bosnian film? Oui. A Serbian film. Je pense qu'on poursuit une conversation qu'on n'a pas eue sur podcast. Ah, mon Dieu! Mais oui, regardez, si vous faites cette recherche-là, faites-le sur le moteur de recherche souillé. Là. pas sur le bon. Là. Ouais. Parce que tout y passe là-dedans, dans ce film-là. Puis ce qui est bien, c'est que tu pourrais te concentrer sur ça pendant ta semaine pas de YouTube, parce que c'est sûr que c'est pas sur YouTube. Non, c'est sûr que c'est pas sur très YouTube. Très bon, probablement que moi. Peut-être une solution possible pour éviter YouTube, faire ton magasinage de films à regarder sur Netflix la semaine avant, pour être sûr que tu vas trouver des choses à regarder pendant ta semaine, parce que évidemment, browser Netflix, ça peut prendre du temps. Ouais. T'en avais déjà parlé, Simon. C'est le double. Mais moi, je fais mes recherches de films sur Netflix. C'est pas sur YouTube avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour remplacer YouTube par Netflix cette semaine-là. Ah oui, Netflix, ça va bouffer du temps. Mais, tu sais... À la limite, juste chercher un film, ça peut te prendre la semaine. Oui. Ouais. C'est ça. Les prix vont monter, là, d'ailleurs. Hein. Mais pour les gens qui s'abonnent, les nouveaux abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés, ça va être fixé pour encore quelques temps. Oh! Ben voilà, là, OK. Dans ta face, mon frère! Il monte à combien? Ils disent 1 ou 2 $. Oh! Moi, j'avais vu 12 $ plutôt que 8, le genre. Ah, peut-être que j'ai confondu 1 et 2 $ pour 12 $. Et oui. C'est pas déjà 9, tu sais? C'est 8. Ouais, c'est 8,99, je sais plus. Ouais. 7,99. 7,95? Mais 7,94. Moi. En tout cas... Ah non, mais qu'est-ce qui peut prendre une semaine à faire? Un modèle à coller. Oui, un casse-tête. Quand c'était 3D. Ça revient, hein, Ribbit sont de retour. Ouais. Quand c'était 3D, la compagnie était rachetée et relancée. Moi, personnellement, je me suis pas tanné du bon vieux casse-tête 2D. Plat, moi non plus, j'ai jailli les casse-tête 3D. J'ai jamais senti le besoin. J'ai déjà pleuré à Noël parce que j'avais eu un casse-tête 3D. Les 3D, sont quel tour t'avais eu? Je pense que c'était l'horloge. C'est le pire cadeau, je pense. L'horloge générique. Le Big Ben, ouais. Non? Non, une horloge. Là. C'est comme une horloge grand-père. Hein. Oh, ben, wow. Faux bois de casse-tête. Là. Mais aujourd'hui, okay. C'est supposé marcher. À pharmacie, j'ai vu un lapin en chocolat 3D que tu devais monter. Puis ils font à mesure que tu le montes. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ça je trouvais ça ridicule. Mais bref. Okay, qu'est-ce qui prendrait une semaine? Une cabane dans un arbre. Oui. Oui, un projet okay, personnel. Ben, un projet, rénovation, un EP. C'est un cours par jour de quelque chose, là. Ouais. Ouais, essayer quelque chose de nouveau chaque jour. Genre, tu pourrais te certifier en plongée, là. T'sais, plonger en une semaine, c'est fait, là. Ouais, ou juste se taper, genre, Battlestar Galactica ou The Wire. Une longue 5 saisons de The Wire. Même en une semaine, ça va être dur. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, là, télévision. Tu sais, moi, c'est le genre d'affaire que tu travailles un peu sur ta maison, puis tu regardes ça en même temps. Hey, j'ai une idée, moi. Travailler sur son couple. Oui, travailler sur son couple. On veut des vraies solutions. Mettons, 7 soirs de la semaine, genre, tu dédies un soir à un ami, tu sais, que t'as pas vu depuis longtemps, là, tu sais, comme... Ou une journée au complet. Une journée au complet, oui, tu sais, comme... Ouais. Où tu prends les gens qui t'ont plus contacté par Google pour faire ta soirée avec... Changer donc, le top place, 7, là. Ou tu proposes ta candidature chez un compétiteur de Google en leur expliquant ton problème. Tu leur dis, cette semaine, je veux pas utiliser Google. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir, vous? Une secrétaire avec Google. Mais oui, c'est une belle promo. Ça existe encore, la Toile du Québec, pour vrai? Je pense que oui. Je suis allé il y a quelques semaines. Qui s'enregistre à ça? Je ne sais pas qui paye pour ça. Il y a quelqu'un qui paye pour ça, quelque part. LaToile.com. .qc.ca. Non, c'est écrit LaToileDuQuébec.com. .com, c'est vrai. Moi, j'avais enregistré la Ligue d'impôts de Mouski là-dessus. Pas vrai? Oui, ça avait comme été compliqué. Puis êtes-vous encore là? Ben, j'avais fait un site en 99. Je me toile? Peut-être. Je me toile. Je me toile du Québec. Tu t'es toilé. Il y a Wikipédia, l'agence, Facebook. OK. T'es là à maintes reprises. Puis il y a Roberto Barbucci. Ah. Qui est sur LinkedIn. Ouais. Devant toi. Ah, il est populaire. Plus de gens qui le réfèrent. Non, ça tombe bien meilleur que Google. Ben voyons donc, mon site est encore en ligne. Nice. La Ligue d'improvisation de Rimouski de l'édition 99. Ben, allez voir ça. Belles couleurs. Angel Fire. Oh, peut-être. Angel Fire. Angelfire.com. Ça a été racheté par exemple. Je ne sais pas si ça a été racheté par Google. Est-ce qu'il y a des pubs? /pop/lire. Ça semble que j'avais entendu dire que tu pouvais downloader Angel Fire. Au complet? Oui. C'était pas si lourd que ça. Okay. On s'égare. Mathieu, j'ai besoin de la solution. Mathieu et Étienne, de solution de publiciste. Là, comment vendre à quelqu'un? Impossible. Il y a quelqu'un d'anti-Google là, qui vient voir, fait « Moi, là, je veux faire une pub demain. » Anti-Google. Ouais. Mais moi, je pensais ça, c'est approcher une compagnie concurrente forte. Puis dire j'ai ce défi-là, je suis prêt à en faire la promotion. Comment vous pouvez m'arranger quelque chose de mieux? Tu sais, Google, c'est le Yahoo de. Je sais pas quelle année. Là. Du 2000. De 2000. C'est pareil. Hein? Mais tu sais, on ne jurait que par Yahoo, là. T'sais. Moi, j'allais sur AltaVista. Alta Vista, c'était bien aussi. Il n'y avait pas Alta La Vista aussi, qui était comme porno. Alta La Vista, Seigneur. Il y avait une version weird. Moi-même, Alta Vista, j'ai pas connu ça. Non. On est arrivé sur Internet sur le tard. Peut-être sur le tard. Mais Explorer, Yahoo, oui. Ouais. Non, mais Alta Vista, c'était un moteur de recherche. Ça doit exister encore, je ne veux pas croire. Non, on fait juste jaser. C'est ça la solution, jaser pendant une semaine. Ouais, c'est un peu ça. Mais hein? Moi, je trouve pas, là, sans joke, là, ce défi-là, c'est pas si pire. Là. Je trouve qu'on non, c'est ça. C'est même pas par Internet. Arrange-toi pour que quelqu'un reçoive tes mails, whatever. Note ton horaire, c'est une petite feuille de papier. Ça va être passé pas mal plus facilement qu'on pense. Tu sais, je veux dire, j'ai vu des défis vraiment plus durs dans des soirées gros compte tequila. Tu sais, il y a moyen là, de... Dans des soirées quoi? T'as jamais fait ça, les soirées gros compte tequila? Gros compte tequila? Ouais. Attends, c'est peut-être une solution possible. Faire des soirées gros compte tequila, ben... À tous les soirs. C'est un jeu dans lequel on boit des shots de tequila en rond. Mais avant de boire une shot, je dois inventer un nouveau règlement pour la soirée. Par exemple, chaque fois que quelqu'un se lève pour aller à la salle de bain, il doit fredonner l'air de la toune tequila. Tu sais, puis là, les règlements s'ajoutent. Puis chaque fois que quelqu'un fail un règlement... Là, on se concerte et on lui donne une conséquence. C'est un peu comme la vérité aux conséquences. Puis dans ces conséquences-là, j'ai vu des affaires plus tough. Là. Fait que c'est pas si complexe. Est-ce qu'on a des exemples de défis plus tough? Plus tough, ça dépend. Mais oui, il y avait des affaires comme... c'était chiant, on était jeunes. Tu sais, réveiller, cogner à la porte random parce qu'on était dans des spots de loft, tu sais. Puis faire à croire au gars qu'on est perdu, puis demander qu'il nous raccompagne au bon logement, tu sais. Fait que oui, c'est quelque part, c'est des défis d'une certaine manière plus durs. Sur le coup, plus court, mais peut-être plus dur. Quand même, ouais. La semaine passe vite, là, demain. Mais moi, sinon, j'ai une autre solution qui est peut-être de réussir à prouver que les élections ont été truquées. Et regagner son défi. Ouais, ça dépend c'est quoi son comté, hein? On connaît pas exactement le contexte, là. On sait que c'est lié à l'élection. C'est dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il y a le recours judiciaire n'a pas passé, mais il y a peut-être quelque chose, là. Trouver une boîte de vote quelque part. Ouais. Trouver un bénévole qui a crossé. Ben, pas un bénévole, mais quelqu'un qui a travaillé pour les élections. C'est la seule bonne nouvelle de ces élections-là. On va pas enlever. Ça s'appelle Manon. OK, dans Schlager-Maisonneuve. Peut-être qu'il y a dans Schlager-Maisonneuve. Mm-hmm. Ouais. Ben, décroche. Non, mais peut-être apprendre qu'il y a un enfant, que sa blonde est enceinte, genre la semaine avant. Cette semaine-là, il va être... Une semaine dans le désert, là. C'est le temps, là. C'est ton rêve de faire une ride de chameau, de manger le soir au bord d'un oasis. Let's go. C'est le go temps. Go wild, ouais. Y aller steampunk, puis télégraphier tout pendant une semaine. Oh! Télégraphier, oui. Ouais. Puis tu sais, tant qu'à y aller... techno-vapeur, là. Si ça dépasse, s'il y a des circuits intégrés, j'utilise pas ça. Ouais. Je pensais que le but, c'était d'avoir un téléphone intelligent dans sa montre Gousset. Oui! Ouais, à la Jules Verne. Oui, sinon, il y a peut-être vivre une semaine rétro aussi. Genre, faire comme si c'était 1992. Se louer des VHS de la planète des singes. Ça n'existe pas. Puis ça n'existe pas. La pimper là, cette semaine-là, puis la faire en sorte que t'es pas tout seul. S'habiller 92, tout le monde, musique 92, char 92. Let's go, la semaine sans Google. Je serais curieux, j'embarquerais, moi, je l'essaierais. Genre, c'est ma solution préférée, Simon. Laquelle? La semaine, créer la semaine sans Google, puis embarquer. J'embarque. Embarquer le plus de monde possible. Alexandre, si tu pars l'événement, moi, je on va relever le défi avec toi. Attending. Et pour rejoindre le plus de monde possible, peut-être envoyer des mails par Gmail, faire une vidéo sur YouTube. Ouais, puis lancer l'invitation à tous tes contacts Google+, c'est-à-dire 200 personnes que tu connais pas. Un petit jogging, là, une heure par jour autour du parc La Fontaine, puis ceux qui participent, qui vont courir avec toi pour montrer leur support. Puis mettre les photos sur Panoramio. Après la semaine. Des bonnes photos panoramiques de gens qui courent. Ouais. Google Scholar? Qu'est-ce que c'est ça? Effectuer des recherches sur des publications académiques. Nice. Google Tendence tendances de recherche. Mmh. Découvrir des tendances de recherche passées et actuelles. Ils ont beaucoup de produits quand même. Hein? Ouais. Tu sais, quand à la fin de leur pub, là, il y a comme le logo qui se défait en 60 gogos qui flottent. Ouais. Ça redevient le logo de Google. C'est Google pas des jokes. C'est pas des jokes. Ces 60 gogos-là, ils existent. Ils flottent. Ouais. Ouais. Mais Google Traduction, là, peut-être que, tu sais, imagine. Là, ça, il y a plein d'autres outils. Sa blonde est japonaise. Puis c'est sa façon de lui parler. Oh. Bon, évidemment, il doit se dire des drôles de choses parce que ça traduit jamais comme du monde. Mais il y a plein d'autres outils, ça. Larousse, dictionnaire en ligne. Lingui, qui est un bon site de Lingui, traduction. Linguini. Je pense que c'est ça, moi, en fait. Ma solution préférée, c'est de développer des alternatives pour réduire ta dépendance à Google tout en continuant de... Mm-hmm. Mais documenter cette affaire-là, ça peut être intéressant. Là. Ouais, ça peut intéresser des gens. Exact. Étienne, Mathieu... Son préféré, moi, c'est de vous prendre une semaine de vacances, pour vrai. Va dans le sud, pour vrai, là. Va dans le sud. Moi, ce serait... prendre une semaine avec Mathieu Bouillon. Oui. Dans le sud. Dans le sud. Mode Google. Je change ma solution préférée. C'est Bouillon en chess. Parfait. On va tous dans le sud, une semaine. On va t'arranger ça. Sincèrement, si tu nous payes une semaine dans le sud... On y va. Oui. On va t'arranger ça, pas de problème. Passe une semaine avec pas de problème. Oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est un concours qui est ouvert à tous. Hein. Tout le monde peut nous inviter une semaine dans le sud pour un brainstorm et gagner la chance d'avoir un brainstorm vraiment... Pas enregistré, là, juste pour vos oreilles. Oui, juste pour toi. Là. Pour la vie. Là. Puis, on a le droit de soumettre un problème à tous les jours. Au moins un problème à tous les jours. Je me rappelle pas de. Tu gagnes le t-shirt. Tu gagnes le t-shirt gratuitement si tu fais ça. Oui. Il y a d'autres avantages, là. Ça s'en vient. Tu pourrais même recevoir le verre dans lequel le téléphone tient en ce moment. Oui. Malade. Bon, on a fait le tour. Envoyez-nous vos problèmes et ou vos invitations pour nous envoyer dans le sud sur notre groupe Facebook ou bien pas de problème @gmail.com. Vous pouvez toujours l'envoyer sur Facebook, hein, c'est ça. Ou par Twitter. Sur Twitter. Oui. Mais ça prend un court problème, hein. 140 caractères. Ben, on parlait de faire un problème en 6 secondes. Messenger, personne ne t'a jamais envoyé ça sur Messenger, Facebook, ça se pourrait? Sur Facebook. Il y a des alternatives. C'est le mot-clé. Yes. Voilà. Et n'oubliez pas de voter pour nous. Sinon, allez sur l'instable.com pour... Le fun. Non. Nous faire un don. Oui. Via PayPal ou avoir le lien pour acheter le t-shirt. Pas de problème. Que je porte présentement dans une édition très limitée. Oui. Ouais, il est à l'envers. Il est un peu bizarre. Non. Il vient avec des grosses cernes sous les aisselles. Oui. C'est ça, le... Et le mot de la fin, Mathieu? Vous avez un problème? Nous avons un podcast.